Mes auditrices et mes auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. 1893, en Grande-Bretagne, le 13 janvier, premier congrès de l'indépendance, l'Independent Labour Party, premier parti des travailleurs fondé en 1892. 1909, Brésil, le comité central de la grève des cheminots s'adresse aux commerçants. Il lance un appel à leur patriotisme contre la toute-puissance financière des Anglais. 1915, France. La Grande Guerre dure depuis 7 mois. L'Union des syndicats du Rhône adopte une résolution. Elle place l'intérêt général de l'humanité, avec un H majuscule à humanité, s'il vous plaît, au-dessus de toute considération secondaire. Elle affirme hautement, entre guillemets, le principe toujours vivant de l'internationalisme ouvrier, fermons les guillemets, et se dit prête, guillemets à nouveau, à se rallier à toute action sincère qui sera tentée pour établir à bref délai une paix équitable et définitive. Équitable et définitive. 1919, Pérou, grève générale révolutionnaire du prolétariat. 1920, Allemagne, manifestation de masse devant le Reichstag, c'est-à-dire la diète de l'Empire, organisée par le KPD, le Parti communiste allemand, et la USPD, Parti socialiste indépendant. Cependant, protester contre la loi sur les conseils d'entreprise, discuter en deuxième lecture. La police ouvre le feu. 1920. 42 morts et 105 blessés. L'état d'exception est proclamé à Berlin. On aurait tendance à dire encore, ou déjà, ou toujours. 1921. Chine. Première grande grève des marins de Hong Kong pour la reconnaissance de leur syndicat et une augmentation des salaires. 1935, Allemagne, par référendum, la population de la Sarre opte à 90,5% pour l'Allemagne. C'est un apport non négligeable à la politique de Hitler. La réunification est fixée pour le 1er mars. Premiers évêques catholiques, plusieurs évêques catholiques et le responsable de l'église protestante d'Allemagne avaient ordonné des prières pour le bon résultat du vote. Sans commentaire de ma part, hein. Vous remarquez. 1950, URSS, la peine de mort est réintroduite. 1958, pétition adressée à l'ONU par 9935 savants pour l'arrêt des expérimentations nucléaires. 1976, Équateur, coup d'État. Une junte présidée par l'amiral Proveda va mettre en route une politique de sécurité nationale, entre guillemets sécurité nationale. 1882, France. Le Conseil des ministres fixe la durée hebdomadaire du travail à 39 heures et instaure la 5e semaine de congés payés. 1982, Pakistan. Rapport d'Amnesty International sur la violation des droits de l'homme au Pakistan. Il dénonce l'arrestation de milliers de personnes pour délits d'opinion. Pour délit d'opinion, la pratique systématique de la torture et l'exécution de centaines de personnes chaque année, y compris des prisonniers politiques. Le 14 janvier 1918, en Allemagne, grève de janvier. Pendant des mois, malgré et à cause de la guerre, 1 million d'ouvriers cessent le travail. En Allemagne, 1 million d'ouvriers cessent le travail pendant la guerre. Ils demandent la paix, la participation des travailleurs ou pour parler de la paix, une nourriture suffisante, la fin de l'état de siège, la suppression de la militarisation des entreprises, la libération des prisonniers politiques, la démocratisation de l'état. Voilà, tout ce que demandait le peuple allemand en 1918. 1939, Maroc. Le comité de coordination du Rassemblement populaire demande l'abrogation de la loi du 26-4-1938 menaçant de sanctions la syndicalisation, l'amnistie, la réforme de la justice et de l'enseignement. 1952, Tunisie. Manifestation imposante à travers tout le pays au cri de « Abat le colonialisme, abat les trusts impérialistes, vive l'indépendance, les heures avec la police, font des dizaines de morts. 1954, République fédérale d'Allemagne. Le principe de l'égalité de l'homme et de la femme ayant été établi en décembre, les applications législatives en limitent la portée. Si, dans un couple, il y a des divergences, c'est la vie de l'homme qui l'emporte. Allemagne, 1954, c'est pas le Moyen-Âge. Le premier devoir de la femme est le travail du ménage. Elle est cependant autorisée à exercer un métier. Ouais, l'Allemagne, c'est le modèle allemand, Voilà. 1980, Afghanistan. L'Assemblée générale de l'ONU demande, par 100 voix contre 18, le retrait immédiat et inconditionnel des troupes étrangères de l'Afghanistan. 1983, Japon. Le gouvernement annonce son intention d'autoriser l'exportation de technologies à usage militaire aux États-Unis. Il rompt ainsi les principes d'embargo en vigueur depuis 1967. 1984, France appelle du peuple basque pour l'arrêt des actes de violence commis contre les réfugiés basques en France. Le 15 janvier, ce sera demain, 1794, en France, janvier-mai, après la défaite des Vendéens à Savenay, des colonnes infernales, entre guillemets, colonnes infernales républicaines, pas dans les guillemets, déferlent sur la Vendée, semant la mort et la destruction. 1809, France, à Besançon, naissance de Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, ouvrier, écrivain et homme politique français. Il est regardé comme le père de l'économie politique socialiste, de l'anarchisme, du mutualisme et parfois de l'autogestion. 1919, Allemagne. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont assassinés par la soldatesque de Noschke, le bourreau de la semaine sanglante. 1932, Allemagne. On dénombre 5 966 000 chômeurs. Quasiment 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1932. Combien y a-t-il de chômeurs en 2019? Eh bien, 6 millions, justement. Alors, voilà. En espérant que l'histoire ne va pas bégayer, ne va pas se répéter, ne va pas commettre les mêmes erreurs et les mêmes horreurs. Mais espérer, c'est pas suffisant. Il faut agir aussi. Il faut voter. Il faut agir. 1936, Espagne. Le PS, le PC, les Républicains de gauche, l'Union Générale du Travail, les Jeunes Socialistes signent un accord sur la formation d'un Front Populaire en 1936. 1936 encore, mais au Japon, constitution de la Confédération Générale Pan-Japonaise du Travail. 1946, France, nationalisation des usines Renault. 1946 encore, aux USA cette fois, 200 000 travailleurs de l'industrie électrique entrent en grève. 1948, Irak, soulèvement général. La signature du traité de Portsmouth avec les Anglais a mis le feu aux poudres. Le PC joue un rôle important dans ce mouvement populaire. PC, Parti communiste. 1972, République fédérale d'Allemagne. Une loi sur le statut des entreprises d'au moins 5 salariés définit les fonctions et les droits des comités d'entreprise. Élargit les droits individuels des salariés, renforce la position des syndicats et garantit la représentation des jeunes. 1975, Angola. Signature des accords d'Alvor avec le Portugal. L'Angola accédera à l'indépendance le 11 novembre. 1978, Équateur, un projet de constitution qui donne pour la première fois le droit de vote aux analphabètes est approuvé par les citoyens. 1981, Bolivie. 9 des 13 principaux dirigeants du mouvement de la gauche révolutionnaire, MIR, réunis clandestinement à La Paz, sont tués par la police. 1981, Salvador. Monseigneur Rivera y Damas, succédant à Monseigneur Romero, assassiné le 24 mars 1980, signe un document qui présente les faits et rassemble les preuves démontrant que le gouvernement préfère exterminer le peuple, plutôt que d'abandonner le pouvoir. Au sommaire ce soir, la question de la dette, la fameuse dette. Rappelons que l'Islande, elle, s'est séparée de sa dette de façon curieuse. Eh bien, ils ont tout simplement, les Islandais, annulé la dette. Eh oui. Alors, pendant quelques mois, les banquiers internationaux leur ont fait un peu la tronche. Et puis, au bout de 4 ou 5 mois, des démarcheurs sont venus voir le gouvernement islandais pour demander s'ils avaient besoin de prêts, s'ils avaient besoin d'argent, que... il n'était pas rancunier, et qu'ils étaient là. Voilà. Donc, on peut annuler la dette. D'autant que si on cherche les origines de la dette, il y aurait beaucoup à parler. On pourrait faire une émission spéciale sur la dette. Il y a tellement de choses à en dire. Alexis Corbière, à l'Assemblée nationale. Eh oui, les députés de la France insoumise posent souvent des questions, font souvent des interventions à l'Assemblée nationale. Eh bien, malheureusement, on ne peut les avoir que si on regarde la télé, la chaîne parlementaire, dans l'après-midi. Alors donc, il faut pas travailler à cette heure-là, il faut être disponible à cette heure-là, etc. Et malheureusement, on ne passe pas ces choses-là sur les autres chaînes de télévision, même aux heures dites d'information, soi-disant d'information. Et puis alors, il y aura aussi Anne Romanoff, on l'entend de temps en temps quand même, au moins dans les émissions Mosaïque ou Calendrier, Léo Ferré, Jacques Brel, Charline Vaillonnecker, qui est la meilleure humoriste actuelle, les Belges nous envoient de beaux cadeaux parfois. Le Média. Le Média, c'est une chaîne de télévision qu'on peut avoir sur le net, une chaîne d'information très intéressante qui s'appelle justement fort bien le Média. Et puis il sera question aussi, la parole sera donnée à Caroline Fiat, à Jean-Luc Mélenchon. Il sera question aussi de la Chine, convertibilité en or. C'est-à-dire que maintenant les Chinois ont décidé depuis quelque temps que les contrats importants qui passaient avec des États, des firmes étrangères, eh bien ça serait mieux qu'ils soient convertibles en or, que la monnaie soit convertible en or. Et jusqu'à présent l'or avait un mauvais presse dans le commerce international parce que les Américains ils n'avaient pas intérêt. Les Américains ils avaient fait, depuis 1945, ils ont fait marcher la planche à billets. Ils imprimaient des dollars à grande quantité, et normalement, depuis qu'on fait de la monnaie papier, eh bien, il y a une obligation, si on peut dire morale, si on peut utiliser le terme moral dans ces cas-là, qui consiste à ne pas éditer plus de papier monnaie que l'on a d'or dans les réserves de la banque centrale du pays émetteur. Eh bien, il y a longtemps que le général de Gaulle, président de la République française, s'était aperçu que les Américains fabriquaient, imprimaient beaucoup plus de dollars qu'ils ne possédaient en fait d'or dans leurs coffres ou de valeurs industrielles, agricoles, immobilières, etc., faisant la contrepartie de la monnaie mise en circulation. Voilà, donc ils trichaient avec les lois internationales. Et en conséquence, la Chine a décidé, avec la Russie, je crois, puis d'autres pays qui se joignent à eux progressivement, eh bien, de faire ce que souhaitait le général de Gaulle, c'est-à-dire que la monnaie de chaque pays soit convertible en or. Hein, voilà, que lorsque l'on doit quelque chose à un pays étranger, eh bien le pays étranger en question a le droit d'exiger qu'on le paye en or, au lieu de payer en dollars, en livres sterling, ou que sais-je, en monnaie papier donc, en monnaie virtuelle. Et ça, ça peut être embêtant pour certains. Et il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui a tendance, depuis quelques mois, à rapatrier le maximum d'or dans ses coffres. Hein, c'est-à-dire que apparemment, il y a des pays qui ont de moins en moins confiance à la convertibilité du dollar, notamment. Ben oui, j'ai dit pourquoi tout à l'heure. Et puis d'autres monnaies aussi. Hein, voilà. Donc, de plus en plus de pays veulent des choses solides, stables, sûres, fiable, etc. Ambroise Croizat aussi, la sécurité sociale. Ben oui, Ambroise Croizat est à l'origine de toutes les lois sur sociales, sécurité sociale, allocation familiale, congés payés, qui ont été votées en 1945. Voilà, suite à la libération, qui elle-même faisait suite à la résistance. Une petite revue de presse, un journal local, un des nombreux journaux locaux, c'est-à-dire Vosges Matin, eh bien par exemple, isolation à 1 euro, attention aux arnaques. Moi j'en suis à 114 appels téléphoniques à propos de l'isolation à 1 euro. Si on pouvait savoir avant de décrocher que c'est de ça qu'il s'agit, bien évidemment on ne décrocherait pas, hein. Voilà, bon, ben ces pauvres gens, ils se font un petit peu enguirlandés. Moi, je dis que c'est pas de leur faute, c'est la faute de leur chef. Mais bon, ils prennent quand même l'engueulade pour eux, quoi. Hein, enfin, en partie, certainement. Avec l'hiver, le nombre de démarchages commerciaux pour des travaux d'isolation explose. Mais parmi eux, certains sont des arnaques aux aides de l'État qui n'offrent pas les prestations attendues. Voilà. C'est arnaque. Ben, on est de toute façon dans le monde de l'arnaque, hein. En votant pour un Emmanuel Macron, il fallait pas s'attendre à autre chose, hein. On mettait au pouvoir le monde des affaires, avec un A majuscule affaires, hein, HEC, hautes études commerciales. Eh oui, ces gens-là, il faudrait, avant de les mettre au pouvoir, il faudrait les mettre au travail pendant 3 mois. Alors, 1 mois dans une ferme, hein, 1 mois dans une usine et 1 mois dans les travaux publics, par exemple, hein, par tous les temps, bien sûr, avec le salaire correspondant. Ah oui. Et au bout de 3 mois, ils seraient devenus très, très raisonnables. Ils auraient enfin compris comment marchait le monde. Et voilà. Et lorsqu'ils arriveraient au pouvoir, ils gouverneraient de façon différente. Jean-Pierre Thomas à la tête d'un empire. Ah, Jean-Pierre Thomas, vous vous souvenez de Jean-Pierre Thomas, qu'on appelait le petit Thomas à l'époque? Eh bien, c'était un de nos députés, enfin, un de vos députés, parce que moi, j'ai jamais voté pour lui. J'ai jamais voté pour ces gens-là. Je peux m'en vanter au bout de 50 ans. Hein, j'ai jamais voté, enfin, si, une fois. Oui, par malheur. Et pourtant, j'avais un voisin sympa qui m'avait persuadé qu'il fallait pas. Eh oui, Chirac contre Le Pen. Ah oui, oui. Et il m'avait persuadé de ne pas voter Le Pen, et puis que ça servait à rien, que de toute façon Chirac passerait, etc., etc. Et puis en allant au bureau de vote, ben, j'ai hésité, et puis voilà. La peur de l'extrême droite. Alors on nous donne à choisir entre la peste et le choléra. Alors la dernière fois encore, on a choisi le choléra. Et la prochaine fois, eh bien, je vous parie ce que vous voulez, que les gens risquent de choisir la peste cette fois-ci. Jean-Pierre Thomas à la tête d'un empire. Ben oui, 6 millions de chômeurs, rappelez-vous, en Allemagne, 1933. L'ancien député des Vosges, Jean-Pierre Thomas, rendra mardi la direction du leader mondial de production d'aluminium, le géant russe Rusal. Une nomination sur fond de guerre économique entre Russie et États-Unis. C'est un Français qui va mener la guerre de l'économie, enfin la guerre de l'aluminium des Russes contre les Américains. Hein? Ah ben voyez, la France elle compte hein, dans le monde des affaires. Et oui, un monde. Est-ce que vous avez déjà voté pour élire le PDG d'une entreprise, pour élire le directeur d'une banque? Ben non, ces gens-là nous échappent complètement. Le pouvoir politique n'a pas de prise sur le pouvoir économique. Par contre, le pouvoir économique, lui, il peut dicter sa loi au pouvoir politique. Ben oui, je te finance la campagne électorale en échange de ça. Tu seras sympa avec moi plus tard. Hein, les gilets jaunes mobilisent moins. Pour le 7e week-end de protestation des gilets jaunes, la mobilisation restait timide ce samedi et cantonnée essentiellement aux grandes villes. Dimanche 30 décembre 2018, vous croyez ça, vous? Hein? Allez, faire un tour un peu au rond-point. Vous verrez si les gilets jaunes sont moins nombreux et surtout s'ils sont moins déterminés. Ils ont un moral de fer, ces gens-là. Eh oui, ils sont le dos au mur, ils peuvent pas reculer. Ils peuvent pas reculer. Les politiques, les banquiers, les capitalistes auront fait tellement de saloperies que de toute façon, ils n'ont pas envie de reculer. Ils n'ont surtout pas envie. Ils ne peuvent pas. Voilà, même pas. Le plus choquant, c'est de rester au SMIC. Eh oui. Et il y en a même qui aimeraient être au SMIC, qui n'y sont pas au SMIC. Pour qui le SMIC, c'est presque un rêve. Vous vous rendez compte, le 6e pays le plus riche du monde, on disait 5e pays il y a quelque temps. Comment ça se fait? On a descendu d'un cran, voilà. Ben oui, on est peut-être un pays riche, mais dans lequel il y a beaucoup de pauvres. Et ben oui, pour fabriquer un riche, il faut fabriquer 1000 pauvres à peu près. L'agglomération perd des habitants. Hein, le nombre d'habitants de la communauté d'agglomération d'Épinal est toujours à la baisse, une tendance qui pourrait s'aggraver à partir de 2030, mais que comptent combattre les élus du territoire. Mais c'est à Épinal, hein, c'est pas ici. C'est pas à Remiremont. À Remiremont, tout va bien. À Remiremont, on est en train de faire baisser drastiquement le nombre des chômeurs. De jour en jour, il y a de moins en moins de chômeurs. Bientôt, il n'y en aura plus. Il va falloir aller chercher des chômeurs et voler des chômeurs dans les communes voisines, hein, pour rétablir l'équilibre de la balance des comptes du chômage. 2018 nous oblige à préparer 2030. Gérard Mermet publie son 15e francoscopie, nous aujourd'hui et demain chez Larousse. Depuis 1984, le sociologue ausculte le pays et mesure les évolutions. Il offre aussi une vision prospective à l'horizon 2030. La lecture peut paraître inquiétante, lui reste optimiste. Bon, eh ben, espérons qu'il a raison d'être optimiste. Moi, j'y crois pas, hein, je vous le dis. Quand on regarde, quand on ouvre un livre d'histoire à n'importe quelle page, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Quand on ouvre un journal à n'importe quelle page, c'est pareil quand on regarde la télévision. Vous avez remarqué, à la télévision, il y a des gens qui quittent la télé quand c'est premièrement la pub, deuxièmement quand c'est les informations. Bizarre quand même. Hein? Est-ce que ça veut dire que les informations ne sont pas intéressantes, elles sont forcément négatives, ou que les informations, selon, sont en grande partie fausses, qu'on n'y croit pas, hein, et qu'on ne veut par conséquent pas perdre son temps à les regarder? Éteignez la télé, tiens, planning validé, Hardoncourt. Lors de leur dernière rencontre, les membres de l'association Éteignez la télé ont défini le programme des activités de ces prochains mois. Le planning est chargé, il y en aura pour tous les goûts. Eh oui, on peut faire plein de choses à l'heure où la télé marche. Hein? Et puis si tout le monde éteignait sa télé le même jour, à la même heure, pendant le même nombre de minutes, eh bien, à EDF, on se poserait des questions. Parce qu'il faut équilibrer la consommation et la production. Hein, ça ne se fait pas comme ça, c'est un petit problème. Et puis, le pouvoir, le gouvernement, bien sûr, serait au courant. Saurait que le jour où M. Macron fait une allocution à la télévision, toutes les télés se sont arrêtées à cette heure-là. Eh bien, il en tirerait des conclusions, bien sûr. Hein? Ah ben oui. Oh ben oui, parce que ces gens-là y réfléchissent. Hein. On leur a payé des études. Oui, parce que c'est nous qui avons payé les études de ces messieurs-dames. Ah oui, bien sûr. 18 questions qu'on avait posées en 2018. Alors, le chômage baissera-t-il en France? Le pouvoir d'achat va-t-il augmenter? Russie, Poutine, façon Staline? Gagnera-t-on la Coupe du Monde de football? Delphine Ernotte finira-t-elle son mandat à TV? À France TV? L'enfant de Kate et William, fille ou garçon? Cinéma, Alicia Vikander, star du grand écran? Saura-t-on qui a tué le petit Grégory? Etc., etc. Voilà des questions que l'on se posait, paraît-il, enfin c'est ce que prétendent certains journalistes, dans certains journaux. Nouvelles années, nouvelles réformes. RIC, pas question de revenir sur le programme de réforme, a déjà prévenu le président de la République. 3 sont dans les tuyaux, sous réserve qu'une quatrième ne les percute. Une réforme de la démocratie. Réforme de la démocratie. Oh, comment peut-on songer à réformer la démocratie quand on s'appelle Monsieur Macron? Les gens vont être méfiants, a priori, c'est sûr. Sa maison brûle, les gilets jaunes se mobilisent. Vous voyez, les gilets jaunes qui, soi-disant, sont des casseurs. Eh bien non. Ils passent leur temps à aider les pauvres gens. Ben oui, entre gens qui sont dans le malheur, on s'entraide. Voilà, les gilets jaunes, ce sont des gens courageux. La fonction publique en mode télétravail. Conseils départementaux de Moselle, Meurthe-et-Moselle, Université de Lorraine, autant d'administrations qui voguent allègrement vers le télétravail à partir de janvier. D'autres y réfléchissent. Oui, réfléchissons. Réfléchissons, voyons ce que ça donne. Si ceux qui ont testé le système sont contents, ben peut-être qu'on aura envie de faire comme eux, mais c'est pas sûr. Violence à Paris, un Doubien interpellé. Oui, allez, violence. Violence. Qui fait les violences? Les gilets jaunes ou d'autres? D'autres qui sont infiltrés dans les gilets jaunes ou d'autres qui arrivent, qui se faufilent venant de derrière les rangs de la police pour faire des violences, dont on accuse ensuite les gilets jaunes. Bien sûr, il faut bien jeter le discrédit sur ceux qui se... voilà. L'encombrant Benalla au Tchad. Qu'est allé faire Alexandre Benalla à N'Djamena, début décembre, en visite au Tchad le week-end dernier? Emmanuel Macron a assuré que son ancien garde du corps n'était pas son envoyé spécial, officieux ou officiel. Eh ben, on va les croire, l'un et l'autre. C'est sûr qu'on va les croire. Monsieur le ministre, chers collègues, bonjour. Je demande le renvoi, au nom du groupe La France Insoumise, de tout le document à la Commission. Je le justifie par le fait que j'estime que les deux cadres qui organisent la pensée de ce budget, car ce budget n'est pas une simple compilation de mesures, sont erronés. Le premier, c'est que vous suivez sans originalité, permettez-moi de le dire, parce que beaucoup croient que le budget est une création particulière résultant d'imagination du gouvernement en place. Non, c'est la traduction de la feuille de route de la Commission européenne telle qu'elle nous est délivrée tous les ans à l'issue du fameux semestre européen. D'ailleurs, dans un passé récent, les gouvernements français, quels qu'ils soient, n'ont fait que cela, plus ou moins bien, mais que cela. Par exemple, les réformes du cadre administratif du pays par M. Hollande ne répondaient à aucune espèce de nécessité. Il l'a fait parce que l'Europe l'a demandé, et après sa première copie, comme il n'était pas au point, il a lui-même réformé sa propre réforme qui n'était pas entrée en vigueur. C'est l'organisation des régions. Depuis, la réclamation sur le code du travail est incessante. À chaque semestre européen, la Commission nous demande de fluidifier, flexibiliser, etc., les relations de travail, et vous avez commencé par ça. Je ne donne que ces deux exemples parce que je veux venir tout de suite à la critique de fond que je veux adresser à cette pensée qui résulte du travail de la Commission et de ses préjugés idéologiques. D'abord, l'absurdité de la règle de 3%, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, à supposer que ce soit un bon chiffre, elle s'applique. Autrement dit, il est impossible de prendre des mesures contracycliques. Or, pendant des décennies, la France se caractérisait, du fait de son organisation, par le fait qu'elle avait une économie contracyclique. Ah, maintenant, impossible. 3%, quoi qu'il arrive. Alors, évidemment, on peut toujours se piquer de sérieux sur les 3%, mais c'est une blague. Lorsque la limite du déficit a été fixée, les Allemands ont proposé 5%. Ce sont les Français qui ont proposé 3%, et c'est un inspecteur général des finances qui raconte ça très bien, M. Abeille. Nous connaissons l'auteur de ces 3%, c'est un homme dans un bureau à qui on a dit 5 c'est beaucoup trop, 1 c'est ridicule, 3 ça fait au milieu, ça fait sérieux. Ça fait sérieux, mais ça ne l'est pas. Car il suffit de regarder ce qu'est le bilan du pays auquel ce remède de cheval a été appliqué contre tout bon sens. Il s'agit de la Grèce. La crise a commencé en 2010, vous vous en souvenez mes chers collègues. Eh bien, à cette époque, la dette de la Grèce était de 146% du PIB. 6 ans après, c'est-à-dire après que le produit intérieur brut se soit écroulé du quart, 25%, que les salaires se soient écroulés du quart, que les pensions de retraite soient écroulées de 20%, que le chômage soit monté jusqu'à 22,5% et que 400 000 personnes aient dû quitter leur pays parce qu'elles ne pouvaient plus y vivre. Où en sommes-nous ? La dette de la Grèce est à présent de 186% du PIB, c'est-à-dire quelque chose comme 15 points de plus, 20 points de plus qu'au point de départ. Rien n'a été réglé. Qu'attendez-vous donc de remèdes de chevaux qui ne guérissent rien, mais qui ont plutôt tendance à faire mourir la bête ? Et si on veut regarder d'encore plus près, on s'étonnera d'apprendre que la Grèce dégage chaque année 2,9% d'excédent brut à son budget. 2,9%. Nous autres Français, nous en sommes loin, hein ? Eh bien, avec 2,9%, ça signifie qu'il y en a pour 50 ans à écluser l'état actuel de la dette. 50 ans. Est-ce que la Commission européenne s'apprête à dire à la Grèce et aux jeunes Grecs et aux générations actives de la Grèce, pendant les 50 prochaines années, l'unique plan, l'unique objectif politique que le pays va se donner, c'est de rembourser la dette? Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Et tout ça sur la base de calculs dont vous me permettrez de mettre maintenant en cause l'existence même et la nature. Enfin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de comparer le niveau d'une dette à la production de richesses d'une année, monsieur le ministre? Qu'est-ce que ça signifie? Quel rapport objectif cela décrit-il? Est-ce que l'un quelconque d'entre nous voit son endettement évalué par rapport à son revenu annuel? Mais ben, dans ce cas-là, tout le monde est mort. Mais non, monsieur, pas dans les dettes privées. Allons, allons, allons, allons, monsieur de Courson. Allons, reprenez-vous, je vous prie, et ne m'interrompez pas. Bon. Par conséquent, ou si vous voulez m'interrompre, je vous donne la permission. Hein. Voilà, merci. Non, c'est absurde. Si vous rapportez la dette de la France à la durée moyenne d'un titre de dette conclu par l'État, qui est de 7 ans et 31 jours, l'endettement total de la France est, par rapport au PIB des années considérées, de 12%, c'est-à-dire rien, qui justifie les sacrifices et les destructions auxquelles nous sommes appelés. Ça, c'est le premier point. Le cadre de la règle d'or, le cadre intellectuel et conceptuel de l'économie telle que le pense la Commission européenne est une absurdité qui ne va pas vous permettre de faire face aux événements qui arrivent et dont je veux dire un mot. Nous sommes donc, deuxième cadre de votre budget, dans l'idée, au fond, que vous avez récusé, je m'en souviens très bien, de la théorie du ruissellement. Et la théorie du ruissellement, on connaît, on empile de l'argent en haut et finit par dégringoler des grosses miettes sur ceux qui sont en dessous. Le ministre a dit, pas du tout, c'est pas comme ça, c'est pas ça que nous avons en tête, c'est tout autre chose. Nous donnons de l'argent en ne prenant pas des impôts, nous donnons 10 milliards et nous savons que ces 10 milliards vont créer des investissements qui eux-mêmes vont créer des emplois, qui eux-mêmes vont rapporter des taxes et des impôts et le monde meilleur auquel aspire, j'en suis persuadé, M. Bruno Le Maire, mais qu'il ne verra pas avec de telles méthodes. Cette théorie bute sur un point très clair. Il n'est prouvé nulle part que l'argent de plus que l'on donne au capital va vers le travail et l'investissement. Il n'existe aucune preuve de cette affirmation. De la même manière que la preuve de l'inanité de la politique de la Grèce, je ne sais pas pourquoi ça vous amuse, monsieur le ministre, mais je suis sûr que vous avez une bonne raison d'en rire. Mais moi, je le prends très au sérieux. Je le prends très au sérieux. Parce qu'après tout, peut-être que vous pourriez avoir raison, mais personne ne critique ce point de la doctrine économique. Vous m'avez répondu dans le débat. Vous m'avez dit, mais monsieur Mélenchon, si l'argent ira à la production, pourquoi ? Parce que le bon sens. Voilà, et vous avez mis en avant, je m'excuse, c'est dans les débats. Or, nulle part on ne voit trace de ce bon sens. Et même aujourd'hui même, c'est-à-dire après que la loi de finances soit quasiment acquise, hein, les investisseurs en France, selon le journal L'Opinion, dans son édition de la fin de la semaine dernière, les investisseurs en France ont décidé de ralentir leurs investissements pour l'année 2017 et ne prévoient rien pour l'année 2018 parce qu'ils estiment que la capacité de production et les outils de production sont déjà utilisés au maximum de leur capacité. Ça veut dire qu'ils n'attendent absolument rien venant des décisions économiques qui viennent d'être prises qui sont de leur rendre 10 milliards. Cette théorie part de l'idée que le marché, au fond, voit l'allocation naturelle de la ressource au bon endroit et au bon moment. Ça, c'est l'ancien capitalisme. C'est le capitalisme rhénan, c'est celui qu'on a connu pendant les décennies de la fin du précédent siècle. Mais il n'existe plus. Le capitalisme de notre époque, c'est d'abord une énorme accumulation disproportionnée dans la bulle financière, sans aucun rapport avec la production réelle. On le voit, ça s'est développé d'une manière fulgurante. à partir des années 70 et la décision de M. Nixon le 15 août 1971 d'annuler la contrepartie du dollar en or, si bien que les États-Unis d'Amérique ont commencé à imprimer des billets sans aucune limite du moment que leur monnaie servait à régler le commerce mondial. Et depuis cette date, on est passé de 20 milliards d'échanges financiers par jour à aujourd'hui, 2016, ce sont les chiffres dont je dispose, 5 000 milliards de dollars par jour. 5 000 milliards de dollars par jour. C'est-à-dire 115 fois chaque jour le montant du commerce annuel total. Si cela ne décrit pas l'existence d'une sphère financière absolument coupée de toute réalité de l'économie productive, alors qu'est-ce qui le démontrera ? Jamais. La bulle boursière qui en est suivie, c'est-à-dire une accumulation de richesses sans cause, est-elle aussi considérable ? Nous sommes passés de 1 400 milliards en 1975, c'est-à-dire peu de temps après la décision dont je viens de vous parler, à 65 000 milliards en 2017. Entendez bien ce chiffre, car il est supérieur au pic de la capitalisation boursière qui existait lorsqu'a éclaté la crise de 2008, qui a été un éclat dans la bulle, qui a produit la crise la plus grave depuis 1929, selon les déclarations de nos responsables politiques, le président Sarkozy, mais également le président des États-Unis de l'époque. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à un niveau supérieur. N'importe quel journal économique ou journal qui traite de la finance vous fait la démonstration que nous sommes dans un état surcritique. Et c'est le moment que nous avons trouvé pour aller avec nos petits seaux, aller encore grossir l'océan de cet argent fictif. Si cette valeur boursière a été multipliée par 45, mes chers collègues, en 30 ans, 45 fois pendant ce temps, la production réelle, elle, n'augmentait que de 3,5 fois. C'est assez clair. Oui, un océan de papier flotte au-dessus de nos têtes. Une bulle gigantesque englobe l'économie réelle et c'est elle qui donne le rythme. Ce n'est pas la production réelle. C'est bien pourquoi le danger est extrême et il ne faut pas aller l'augmenter. Or, je vous l'ai dit il y a un instant, les investisseurs ne se préparent pas avec l'argent qu'on va leur donner à investir. Et au cours des années qui viennent de s'écouler, ils ont fait le contraire. Et cela se comprend, ce n'est pas un complot, c'est qu'il est plus facile d'accumuler sur la base de l'argent placé dans la bulle financière qu'il n'est de le faire dans l'économie réelle. C'est la raison pour laquelle les entreprises du CAC 40 distribuaient autrefois 33%, autrefois c'est l'an 2000, c'est pas si vieux que ça, 33% de leurs bénéfices passaient aux actionnaires. Aujourd'hui, c'est 57%. De cette somme. Ça veut dire encore une fois qu'on compte sur des gens pour placer de manière opportune leur argent. On sait depuis les Paradis Papers et le Panama Papers et le reste où on en est de l'utilisation que font ces gens de cet argent. Me voici maintenant rendu à vous dire que s'ils ne le font pas, si ce n'est pas le choix des investisseurs, si le choix des riches est toujours les dividendes, si la bulle boursière nous menace, alors il faut qu'on regarde, est-ce qu'il y a des théories économiques ou des pratiques économiques qui aboutissent à un résultat inverse ? C'est ça qui nous intéresse. Eh bien, je vais chercher la preuve de ma démonstration à la Banque Centrale Européenne. Ça va paraître peut-être curieux, mais la Banque Centrale Européenne a commencé par dire qu'elle donnait 400 milliards aux banques à la condition que les banques, en échange de l'argent qui leur a été donné, donnent des titres de prêts immobiliers. Résultat ? Rien. 60 milliards à peine de consommés. Plutôt ne rien prendre que de lâcher ce qu'ils considéraient comme plus sûr que de l'argent à aller placer dans l'économie réelle, parce que c'était la deuxième condition que posait la Banque centrale. Monsieur Juncker a proposé 300 milliards de plans de relance. Que s'est-il passé ? Rien. Cette somme n'a pas été utilisée non plus. Il a fallu que le banquier central adhère, avec un peu d'humour, à la théorie de Monsieur Keynes, la plus folle, qui disait que de toute façon, pour relancer la machine, tout était bon, y compris jeter des sacs de billets depuis des hélicoptères, parce que ça obligeait les gens à dépenser immédiatement l'argent pour qu'on ne le reprenne plus. Ce que je suis en train de vous raconter n'est pas une invention de ma part, c'est ce qu'il a dit dans une conférence de presse, avec humour, pour répondre à un journaliste qui lui demandait « Quelle est la limite de ce que vous êtes prêt à faire pour relancer l'économie ?» Il avait dit « Il n'y en a pas », il avait même accepté cette hypothèse. Eh bien, regardez ce qu'il a fait un jour, il a compris que s'il posait des conditions, les banques ne plaçaient pas dans l'économie réelle. Qu'a-t-il fait ? Il leur a dit « Je vous donne l'argent que vous voulez contre rien. 80 milliards par mois. » Au bout de plusieurs mois, alors que l'économie était entrée en dépression en zone euro, ce qui est la catastrophe totale, au bout de 4 ou 5 mois seulement, l'argent a commencé à ruisseler et on a pu voir remonter la pente de la production en Europe, qui fait qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a un mieux. Le mieux, c'est du 2%. Il a fallu injecter dans l'économie européenne gratuitement 2000 milliards, c'est plus de 2000 milliards, c'est-à-dire une année de la production totale de la France, pour qu'aussitôt on voit la machine se relancer. Donc c'est bien la preuve qu'il suffit d'injecter, c'est-à-dire de mettre dans l'économie réelle, pour que la machine redémarre et qu'on retrouve taxes, impôts et le reste qui mettent les budgets d'équerre. Oui, cette question est posée avec une urgence absolue. Car voyez-vous, sans cesse vous évoquez, on évoque la dette publique. Et tout le monde oublie tranquillement la dette privée. Or, la dette privée en France est supérieure à la dette publique. Les Français ne doivent pas 2200 milliards, comme on le dit d'habitude, ou dans ces eaux-là. Ils doivent en plus la même somme en tant que dette privée. Autrement dit, il y en a pour 4500 milliards. La seule manière de soigner la dette privée, surtout quand vous avez une bulle financière, c'est de relancer l'économie réelle. Parce que c'est elle qui va permettre au moins à ceux qui ont emprunté de ne pas être défaillants. Par où arrivent les éclats de bulles? C'est la première remarque que je veux faire, qui n'entre nulle part dans les hypothèses économiques qui ont fait partie de la mise au point de ce budget. Évidemment, la question de la dette est posée à toute l'Europe. Et j'en viens maintenant à ce que je crois être indispensable. Si nous ne faisons rien, si nous continuons avec l'absurde règle d'or, qui ne tient aucun compte des effets de cycle économique, si nous n'en finissons pas avec ça, que va-t-il se passer? Les tensions dans les nations vont s'exagérant sans cesse. Pourquoi? Parce que partout l'État recule et le service public recule, vidant de son sens même l'existence de la nation, qui ne peut être rien d'autre qu'une communauté de solidarité. Il faut régler la question de la dette, parce que c'est en son nom que ces politiques de coupe claire sur les services publics sont faites. C'est à cause d'elles que démarrent des processus qui conduisent aux manifestations de ces absurdes 60 000 voyous d'extrême droite en Pologne, ou que se déroulent des crises d'identité nationale comme celles qu'on peut voir en Espagne et partout ailleurs. Il faut arrêter cette machine à perdre et à tuer. Il faut l'arrêter, et c'est la raison pour laquelle j'estime qu'il faut qu'il y ait en Europe une conférence de la dette. Je demande qu'on me démente si ce que je dis ne tient pas au moins à l'addition. Si la totalité des dettes publiques des États en Europe était achetée directement par la Banque Centrale Européenne, au lieu d'être rachetée sur le second marché, comme nous l'avons vu, se faire jusqu'à une date récente, jusqu'au point ridicule où la Grèce a procuré 8 milliards à la Banque Centrale Européenne, dans le pire des cas, nous aurions 5 à 6% d'inflation. Eh bien, moi, je vous le dis. Je préfère 5 ou 6% d'inflation et une Europe qui vive dans la paix et la prospérité plutôt que la guerre qui s'avance. Merci. Thank you. Delvaux. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Député La France Insoumise, quel bilan tirez-vous de cette journée d'hier en jaune fluo, à Paris comme en France en général ? Une nouvelle journée de grande protestation, de colère. C'est une grande protestation contre la vie chère. C'est comme ça que je résumerai les choses, avec la limite de l'exercice de résumer les choses, car ce qui s'exprime est large, complexe, avec vraiment des choses parfois même contradictoires. Moi hier, j'ai beaucoup... J'ai circulé dans la manifestation, je suis parti d'abord de Montreuil, de ma circonscription, puis après dans Paris, etc. Et vous portiez vous-même un gilet jaune ? Parfois je le mettais pas. Sur Twitter, pas. On voyait la photo. Oui, non mais là aussi je l'ai fait sur Twitter, mais après, parce que c'était un débat, d'ailleurs les gens me posaient la question, moi je veux pas récupérer, je veux pas donner l'impression non plus, parce que j'ai un statut particulier, étant un peu porte-parole de mouvement, et puis aussi député, mais j'ai discuté avec parfois des gens qui me disaient... Je vous serre pas la main parce que vous êtes un politicien. Alors on discutait. Mais c'est pas après vous. Et puis vous, après tout, finalement, je vous aime bien. Mais les politiciens, il y a une colère contre la classe politique, contre même les syndicats. Et puis des gens, des témoignages, j'ai encore en tête ces dames, en début de retraite, on va dire, qui me disent qu'elles étaient assistantes de direction, qui n'avaient jamais manifesté de leur vie. Et qui venaient là, et qui me racontaient. Mais déjà la semaine dernière, me disent-elles, on a été gazées. Et moi, je leur dis, mais ça vous fait pas peur de revenir? Ils me disent, non, ça nous donne envie de revenir. Et elle me montre son petit sérum physiologique, vous savez, pour se nettoyer les yeux, qui sont des habitudes militantes que moi, j'ai vues chez des jeunes gens. Mais là, donc, ce que je vais exprimer là, il y aurait beaucoup d'autres témoignages, il y a une colère, une radicalisation, un sentiment de pas être entendu, un sentiment d'être méprisé. Et puis là, après, les gens témoignent. 1200 euros, 1300 euros par mois, une dame qui me raconte qu'elle gagne 800 euros. Et une impression, ils vivent la manière dont Emmanuel Macron, à la fois sur le fond et sur la forme, un sentiment d'arrogance de ce pouvoir qui ne leur parle pas et qui fait monter la colère. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Cette colère que vous mettez en évidence contre les corps intermédiaires, syndicats, partis politiques, vous en avez déjà tiré quelques conséquences à la France Insoumise ? Mais je voudrais dire, sans être présomptueux, que l'existence même de la France Insoumise, c'est-à-dire le fait que nous avons, en février 2016, organisé les choses différemment, c'est-à-dire avec un réseau, par Internet, en n'essayant pas de refaire un parti politique traditionnel, comme j'ai envie de dire, en marche au point départ, et la démonstration qu'il y a une mise à distance très forte des organisations traditionnelles. D'accord ? Ça, c'est assez classique. Et évidemment, cette mise à distance se retrouve aussi dans la manière dont ce mouvement s'est lancé. Spontanément, par des gens qui disent, c'était aussi une discussion hier, moi je taquinais parfois les gens, ils me disent, moi je suis apolitique. Je dis, mais monsieur ou madame, vous faites de la politique, mais au sens beau du mot. Vous manifestez, vous faites entendre, vous discutez. Bon, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais globalement, j'ai envie de dire, la métaphore a peut-être déjà été faite, les gilets jaunes, c'est des gens qui mettent un gilet pour être vus. Comme le gilet initialement. Ils sont dans la nuit médiatique et ils mettent un gilet pour être vus, pour être pris par les phares médiatiques, pour être pris par les phares politiques, pour être vus. Donc il faut les voir et il faut les entendre. Et globalement, je dis bien globalement, ce que disent ces gens, c'est on a du mal à boucler nos fins de mois, on n'en peut plus. Et cette augmentation est là comme faisant déborder les choses. Et ils disent, c'est une colère contre l'injustice fiscale. Les gens comprennent bien qu'il faut payer des impôts, mais ils ont un sentiment d'injustice. Et notamment, il y a cette idée... Ça revient souvent. L'ISF a été supprimé, l'impôt sur la grande fortune, 4,5 milliards. Et les gens ont fait le lien entre le fait que cette augmentation à la pompe à partir du 1er janvier du diesel, ça va rapporter peu ou prou 3,8 milliards. Et ils font le lien, ils disent pourquoi nous? Alors que c'est ouais. Voilà. Oui. Et vous voyez, les gens se politisent en disant il faut être plus juste. On va parler des hypothèses. Je trouve ça passionnant. Et du fond, dans un instant, toujours sur la forme. Quand les gilets jaunes disent que les casseurs hier leur ont volé, leur ont confisqué la manifestation, avez-vous une idée, vous, Alexis Corbière, de qui était derrière les casseurs hier? Non, mais ce que j'ai vu par contre, et je vous assure que même ces gens qui n'ont jamais manifesté, qui sont vraiment soucieux de l'ordre public, ne protestaient pas contre parfois ces barricades étaient pas loin en train de brûler. Ce que je veux dire, c'est que les gens sont tellement en colère que ce que j'ai vu hier, ils cherchaient pas à opposer, même si ils veulent pas que ce soit violent. Mais faisons attention. Je comprends votre question, mais je vois la manière dont hier soir il y a eu un traitement médiatique qui vise à résumer cette journée uniquement autour du thème de la violence, que je n'approuve pas, et je pense vraiment qu'il faut être pacifique, puissant et démocratique. Mais si on résume tout à « êtes-vous pour ou contre la casse ?», les gens vont avoir l'impression qu'on leur a volé cette journée d'hier. C'est-à-dire que globalement, ce qui s'exprime, c'est pas « on veut casser » ou « on veut y compris trouver les raisons là-dedans de pourquoi des gens ont cassé ». Ils veulent surtout qu'on réponde à leurs problèmes du quotidien. Voilà. Après, qui a cassé ? Peut-être ici ou là, vous savez, ça passe du supporter de foot qui a l'habitude un peu de se faire entendre et de manière un peu musclée, peut-être de groupuscule ici ou là politique, mais la façon dont le ministre de l'Intérieur, dès le début d'après-midi, a voulu en quelque sorte dresser un débat, c'est des groupuscules d'extrême droite, et en gros, c'est l'extrême droite ou moi, je parle là de Castaner, c'est-à-dire un peu comme veut le faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire Salvini ou moi Macron. Les progressistes d'un côté contre c'est ridicule. Les violents de l'autre et les radicaux de l'autre. Je conteste pas, mais vous savez, moi j'ai discuté, ce qui pour un homme comme moi est surprenant, des gens qui disent, moi j'ai voté Le Pen au deuxième tour. Bon, bien sûr qu'il y a tout ça, mais globalement ce qui s'exprimait, et cette colère... Quand un homme et une femme est en colère, ma question c'est pas de dire c'est pas bien que vous criez fort, que vous utilisez des gros mots ou que vous faites brûler une barricade, c'est comprendre pourquoi les gens sont en colère. Mais quand Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, parle des séditieux qui ont répondu à l'appel de Marine Le Pen, les séditieux, c'est-à-dire une colère concertée, épaulée par ici Marine Le Pen, selon Christophe Castaner, vous ne croyez pas, vous, en l'influence du parti de Marine Le Pen dans ce mouvement des Gilets jaunes? Je vous invite, et vraiment si des journalistes devaient être sur le terrain, quand vous... Ah ben, croyez-nous, non, non, mais je vous crois, je même crois. Si je suis au micro aujourd'hui. Non, non, mais je vous crois, et j'en ai vu beaucoup. Qui ne payent même parfois non, non, mais, et bien sûr, et parfois c'est difficile. Il n'y avait pas de groupe concerté, c'est pas ça. Il y avait au contraire un mouvement de gens qui allaient, qui venaient de partout, qui parfois pouvaient participer à mettre une planche dans une barricade en train de brûler, etc., ou qui regardaient, qui prenaient des photos quand... Mais c'est pas vrai. Une fois de plus, c'est résumé à une petite chose, qui a peut-être eu lieu à un petit événement, une grande colère populaire. C'est pour ça que je pense que Castaner, mais c'est une astuce. Castaner ne veut pas parler du fond. Il veut entraîner les Français dans un débat à dire, êtes-vous pour ou contre le fait que des vitrines soient cassées? Je ne suis pas pour qu'on casse, c'est pas le sujet. Mais si, une fois de plus, on ne voit que le cri de colère autour duquel on va disserter pendant des heures et on ne comprend pas pourquoi des gens qui n'ont jamais manifesté de leur vie, qui jusque-là sont respectueux des pouvoirs publics et des institutions, mais qui sont prêts hier à manifester et même à ne pas désapprouver, est-ce que je me fais comprendre, ces violences? Je dis, si on voit pas ça, ça va mal finir. Donc Castaner, il faut qu'il arrête un peu de prendre la pause, de vouloir jouer comme ça le proviseur général. Je lui dis, monsieur Castaner, vous n'êtes pas proviseur, vous êtes juste provisoire. Baissez d'un ton, comprenez ce qui se passe. Et vos rodomontades systématiques passent totalement à côté du sujet. Le paysage politique qu'il devait imposer, savoir l'ultra-droite ou moi Castaner, est bidon. Hier, c'est le peuple français qui manifestait. Et écoutez-le, et si vous n'écoutez pas, vous dégagerez. Alexis Corbière, après la forme, on va s'intéresser au fond. Emmanuel Macron envisage de parler mardi en direction des Gilets jaunes. Ce sera probablement, peut-être, un tournant dans ce conflit. Vous en attendez quoi de cette intervention du chef de l'État? Il faut qu'il réponde. Il y a une question très simple qui est posée. À partir du 1er janvier, il y a une augmentation que beaucoup de gens voient comme injuste. S'il la maintient, la tension va continuer. La réponse est non. Visiblement, on lit ce matin dans le JDD, sous la parole d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, nous ne changerons pas de fond. Maintenant, la forme peut-être envisagée. Mais... Renoncer à la taxe des carburants, ce sera non. Pas la solution que proposera le gouvernement. En revanche, il pourrait y avoir peut-être des modulations des taxes selon qu'on habite en région, en province ou bien dans les villes. Il pourrait y avoir une sorte de modulation. On retire des centimes des taxes d'essence qui reviennent aux régions. Ça fait de l'essence moins chère en région. Et puis ensuite, c'est l'État qui va compenser aux régions. C'est une piste qu'on peut explorer? Non, on va voir. Vous me donnez de commenter. Moi, je pense que le gouvernement va aussi prendre la mesure de ce qui a lieu. Le mouvement doit rester mobilisé, puissant. Et en fonction de ça, la réponse sera sans doute, du moins je le souhaite, adaptée à cette mobilisation. Donc j'invite les gens à rester mobilisés. Premier signal, le fait que mardi, le président de la République s'exprime doit être un encouragement à rester mobilisé de différentes façons. Deuxièmement, il y a la question du pouvoir d'achat. Attention, si c'est une astuce, un peu comme la dernière fois, qui consiste à dire, en fait, c'est aux régions de compenser, c'est vraiment, donne-moi ta montre et je te dirai l'heure, en quelque sorte. Mais c'est l'État qui compensera. Alors, ensuite. On verra d'où vient la fiscalité avec laquelle l'État va compenser. C'est la question. Est-ce que nous, ce qu'exprime cette idée de rétablir l'ISF est tout simple, c'est les gens se disent, mais vous allez prendre où l'argent si vous voulez compenser? Et jusque-là, vous avez fait des cadeaux, pardon de ce terme un peu trivial, aux plus fortunés, où vous maintenez le CIC, vous savez, ce crédit d'impôt, notamment qui profite à des grands groupes qui n'en ont pas besoin, et ça coûte 40 milliards. Donc, si le gouvernement bouge là-dessus, en rétablissant une forme de justice fiscale, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure. Moi, les gens que j'ai vus hier, bien sûr, parfois, il y a des formules un peu bêtes, mais ils savent bien qu'il faut payer l'impôt. Mais ils disent qu'il y a une injustice fiscale. Notamment, il y a un impôt qui est le plus juste, c'est l'impôt sur le revenu. Parce que, bien souvent, ces TVA, ces augmentations à la pompe, ça vous frappe que vous soyez chômeur à 800 euros, ou que vous soyez... L'impôt injuste ou... Voilà, c'est l'impôt injuste. Les gens, vous savez... Souvent et ça, décrié comme ça. Non, mais c'est une passion française qui est même à l'origine de la Révolution française. Quand l'impôt est injuste, le peuple se mobilise. C'est toute l'histoire de ce pays. Alors, pour vous dire les choses, moi je vais regarder ce que va nous proposer le président de la République. S'il y a des formes de rétablissement d'une justice fiscale, on va voir. Si c'est des usines à gaz, qui en vérité ne règlent rien, qui consistent, y compris c'est très difficile à déterminer où habitent les gens, etc., je pense que ça passera mal. Il y a une manière aussi démocratique de régler les choses. Je le dis au président de la République à travers ce micro. Revenir aux urnes, c'est pas injurieux. C'est le peuple qui doit décider. C'est le peuple, alors. Mais le peuple a voté, et c'est Macron qui est en place. Mais je ne crois pas, justement. Ce que ce mouvement, et vous savez, Éric Delvaux, ce qui m'a frappé hier, c'est que dans ce mouvement, il y a la question sociale, fiscale, mais il y a aussi la question démocratique qui a été exprimée hier. Les gens ont un sentiment, parfois, que, la dernière fois, il y a eu une élection présidentielle, monsieur Macron a fait 24% au premier tour. Vous-même, à ce micro, je suis auditeur de France Inter, vous avez bien expliqué qu'il était le candidat qui avait sans doute le plus faible taux d'adhésion par rapport à son programme. Des gens ont voté monsieur Macron parce qu'on leur expliquait que c'était une manière, dès le premier tour, de s'opposer à la victoire de l'extrême droite. Et au deuxième tour, il n'y avait pas de choix pour beaucoup de gens. Ce que je veux dire par là, c'est bien sûr Emmanuel Macron est président de la République, mais il aurait tort de croire que la Ve République donne beaucoup de pouvoir, mais c'est une illusion. Donc il faut consulter. Le peuple n'est pas d'accord avec sa politique. Et pour le vérifier, un référendum par exemple, ou une issue démocratique, ou un passage démocratique, c'est pas... Sinon, c'est la puissance de la Ve République contre le peuple, et ça, ça peut mal finir. Alexis Corbière, avant d'aller au standard avec les auditeurs, un dernier point sur ce Haut Conseil pour le Climat, dont on prend connaissance ce matin. Ce serait un Haut Conseil pour le Climat, doté de moyens pour intervenir sous toutes les politiques publiques. On devrait donc en savoir plus mardi. Doté de moyens, c'est plutôt un bon présage? Peut-être. Si on supprime le CICE, c'est 40 milliards qu'on a sous le coude. Si on rétablit l'ISF, c'est 5 milliards qu'on a sous le coude. Quelles sont les réformes fiscales qui visent à faire payer les plus fortunés? Par exemple, les compagnies aériennes ne paient pas de taxes sur le gasoil. Par exemple, le grand déménagement de la planète fait que un bateau de transporteur qui vient de l'autre côté de la planète consomme pour un seul voyage l'équivalent d'un million de véhicules. Si on réfléchit à une autre fiscalité, à une relocalisation de l'économie, à des circuits courts écolo, on a des moyens de voir les choses. Est-ce que c'est cette direction-là que va prendre le président de la République? On le découvrira ensemble mardi. Alexis Corbière, vous restez avec nous. On va poursuivre cette interview avec Patricia Martin, avec les questions des auditeurs. Vos questions, Alexis Corbière, à Alexis Corbière. C'est au 01 45 24 7000. À tout de suite. Pour bien entendre passer la soixantaine, il faut un appareil auditif pour chaque oreille. Chin Chin Audio, c'est le deuxième appareil auditif pour 1 euro de plus. Parce que tout le monde a le droit de bien entendre. Chin Chin Audio, c'est la stéréo pour 1 euro de plus dans tous les magasins Alain Flelou acousticien jusqu'au 31 décembre. Dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste, voire conditions magasin. Il est 8h33. France Inter. Le 6-9 du week-end. On débriefe la journée des Gilets jaunes hier à Paris comme en province. On le fait avec Alexis Corbière, la France insoumise, députée des Hauts-de-Seine, avec une première question. De Seine-Saint-Denis. De Seine-Saint-Denis, j'ai dit des Hauts-de-Seine. Mais oui, amitié pardon, à vos gens de Hauts-de-Seine qui nous écoutent. Pardon. De Seine-Saint-Denis, 93. Jean-Pierre est en ligne. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour France Inter, bonjour Alexis. Bonjour Jean-Pierre. Voilà, je souscris complètement à l'analyse que tu fais sur la mobilisation actuelle. Ceci dit, j'ai un problème quand même, quelque chose qui me chiffonne, c'est que quand le peuple, comme tu dis, descend dans la rue, il ne se précipite pas dans les bras de la France insoumise, ni dans aucune autre opposition. Et là, il me semble qu'il y a un problème sur lequel tu devrais réfléchir. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Jean-Pierre, puisque tu me tutoies, c'est qu'on est sans doute dans une communion d'idées. Mais j'apprécie, merci Jean-Pierre. Écoute, je te comprends et tu as parfaitement raison. Spontanément, ce mouvement, j'ai beaucoup d'amis qui le sentaient mal, j'ai envie de dire. Parce qu'il charrie en lui beaucoup de contradictions et de choses, puisque tu me tutoies, sans doute que toi et moi, nous n'apprécions pas. Il s'est passé des choses sur certains barrages qui sont inacceptables. Mais globalement, cette protestation, il faut l'accompagner, il faut la nourrir. Si on ne la nourrit pas par notre présence, par le fait que nous disons que c'est bien que ce peuple ne soit pas résigné, il peut lui-même devenir autre chose. Vous savez, moi, je pense que dans ce pays en grande ébullition, ça peut mal tourner comme ça peut aussi bien tourner. Je n'en sais rien. C'est pour ça que je trouve que si le gouvernement la joue en disant « ceux qui manifestent, c'est uniquement l'extrême droite », il fait un cadeau à l'extrême droite et il participe à colorer politiquement les choses d'une certaine manière. Si toi et moi, on va dans les manifestations en discutant, en disant « il faut de la justice fiscale, il faut une grande remettre à plat le système fiscal, il faut des vraies mesures écologiques », on le nourrit différemment. C'est par notre capacité de dialogue. Sans chercher à manipuler, c'est difficile, hein, c'est difficile. Mais qu'on y arrivera. Rien n'est écrit, Jean-Pierre. Mais quand le peuple se mobilise, c'est plutôt bien. Moi, j'aime ce pays quand il est comme ça, un peuple en action et pas un peuple résigné. Mais l'histoire, on va l'écrire nous-mêmes. Je ne sais pas ce que ça va devenir. On va retourner au standard. D'abord, une question de côté de Patricia Martin. Oui, ça fait déjà un moment que Jean-Luc Mélenchon s'en prend aux journalistes. Hein. Il veut d'ailleurs plus venir à France Inter. Il y a eu ce coup d'éclat au moment des perquisitions où il a dénoncé un acharnement. Dans quel état d'esprit d'abord est-il en ce moment, puisque vous pensez que cette défiance vis-à-vis des médias est saine pour une démocratie? Écoutez, je ne crois pas que ce soit les médias. Après, on a le droit de critiquer certains médias, notamment Jean-Luc a dit sa manière de voir sur une équipe de chez vous, dont nous trouvons qu'elle a particulièrement ciblé les camps de la France insoumise, etc. Moi, j'ai envie de dire de manière, il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse, franchement. Et je le crois, et faites-moi crédit que je le dis vraiment, sincèrement. Bon, deuxièmement, la liberté de la presse s'accompagne aussi de la liberté de critiquer la presse. au sens large, et puis avec des choses précises. Nous avons besoin de journalistes, mais nous avons besoin aussi d'une capacité, d'une presse indépendante qui s'émancipe du fait que, ici c'est un peu différent, mais que vous avez 8 à 9 personnes qui possèdent 80% des médias, qu'un système de construction d'information, à savoir une précarité imposée aux journalistes, un rythme qui est imposé par certaines chaînes d'information qui fait que tout le monde est obligé de s'aligner là-dessus, dégrade l'information, de mon point de vue. Et ça, on a le droit de l'interroger. Alors Jean-Luc, il le fait avec des mots pleins de passion parfois, c'est une chose, mais on doit essayer de s'entendre, vous et moi, à travers vous et moi, je veux dire ce que nous représentons, pour se dire que peut-être nous, parfois, nous avons des excès, vous aussi, vous en avez, et il faut essayer de se comprendre. Nous, parfois, résumer les choses uniquement à travers la passion que nous mettons à dénoncer les perquisitions, à le mettre en scène, ne rend pas service aux choses. Bref, une dernière question. Le sujet des manifestations, c'est pas nous et la presse, c'est la colère du peuple. Il nous reste moins d'une minute. Je voulais vous parler du Parti communiste français, votre ancien allié qui change de leader, qui change de logo, exit la faucille et le marteau. Certains, d'ailleurs, y voient un abandon des valeurs historiques et une abdication des idéaux. D'autres, au contraire, voient dans la disparition de la faucille et le marteau une adaptation au 21e siècle. Vous vous rangez dans quel camp? Non, je sais pas. Si la faucille et le marteau historiquement signifiaient l'alliance des paysans et des ouvriers, je pense qu'à travers ce mouvement des Gilets jaunes, ça reste le sujet de la France des campagnes et la France industrielle doivent se réconcilier. Après, moi, je souhaite bon vent à tous les amis qui sont au Parti communiste français. Fabien Roussel, nouveau leader. Oui, ben voilà, Fabien Roussel. Il y a des débats stratégiques, on n'a plus le temps d'en parler, qui est-ce que c'est fédérer le peuple avec ce mouvement dont on a parlé au début, c'est-à-dire cette mise à distance des partis traditionnels. Moi, j'essaie de travailler à ça, et ça amène à ce qu'un homme comme moi essaie de changer son vocabulaire. Ou est-ce que c'est revenir à des unions de la gauche classique, que peut-être parfois certains dirigeants de ce parti préparent, à savoir aux prochaines municipales, on reprend les vieilles habitudes avec le PS, machin, et lequel je suis pas d'accord. Bon, voilà, merci. Ceci dit, bon congrès aux communistes, et puis ce qui est important, c'est ce mouvement des Gilets jaunes, auquel il faut répondre, sinon ce pays peut mal tourner. Merci Alexis Corbière. Merci de m'avoir invité. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et oui, merci et bonne journée. Oui, avant 45, si tu veux, quand t'es travailleur, ton salaire vient uniquement de ton emploi. Tu bosses, t'es payé, tu bosses pas, tu vas dans l'os. Et alors quand t'arrives l'accident du travail, parce qu'à l'époque les normes de sécurité, on s'emmerdait pas avec ça, on peut le dire, n'ayons pas honte, bah t'as plus de salaire. Sauf que c'est pas parce que t'as plus de salaire que la bouffe devient gratuite. Du coup l'équation est simple, tu travailles pas, tu vis pas. Et là il y a un mec qui arrive et qui va te construire, excuse-moi du peu, le droit à la vie en dehors de l'emploi. Et ce mec, c'est Ambroise Croizat.

Alors si toi aussi tu trouves cette indifférence à l'égard d'Ambroise Croizat injuste, tu peux partager cette vidéo. Toi, tu peux le faire découvrir aux gens. C'est un genre d'hommage si tu veux. Or oui, c'est pas l'hommage national, d'accord. Mais au moins tu participes. Et si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, tel un bon service public des familles. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Ce matin, je suis triste. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu un choc ce week-end. J'ai appris que Yann Moix se sentait incapable d'aimer des femmes de 50 ans. Oh, le mufle. Ça m'a mis un coup au moral. Mais quelle terrible déception, Yann Moix, c'est un peu mon fantasme sur la terre. Yann Moix, cet être tellement beau à l'intérieur comme à l'extérieur, on sent chez lui une telle joie de vivre, il déborde d'amour, il déclenche l'amour. Savoir qu'il ne posera jamais les yeux sur moi, femme de plus de 50 ans, parce qu'il me trouve invisible, je sais pas si je vais m'en remettre. Yann Moix a aussi déclaré que le corps d'une femme de 25 ans est extraordinaire et le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire. Ça n'est pas vrai. Parce que moi, même à 25 ans, mon corps n'était pas extraordinaire. Vous voyez, Yann Moix, moi j'ai plus de 50 ans, comme Sophie Marceau, Monica Bellucci, Carla Bruni, Estelle Lefébure, mais moi, ça rend pas pareil. Non, je voulais juste vous dire, Yann Moix, que ce qui compte le plus, à mon avis, dans une relation amoureuse, c'est pas seulement le physique, c'est pas la fermeté des fesses, les muscles des pectoraux, c'est cette connexion un peu magique entre deux âmes, c'est ouvrir son cœur à l'autre. Et je vous souhaite un jour, Yann Moix, de connaître ce bonheur. Comme ça, au lieu d'exhaler de l'aigreur, de l'amertume, peut-être qu'un jour, vous répandrez autour de vous de l'amour. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir, monsieur, soyez le bienvenu. Je vous voyais réagir aux réactions des acteurs politiques à la suite de ces faits violents, ces trois motards qui ont échappé à un lynchage hein, à quelques secondes près de la part de certains manifestants, des gilets jaunes. Ça semble vous agacer. Ce qui m'agaçait, c'était la réflexion, j'entendais Jadot dire « faut que ça suffit, voilà, ça s'arrête ». Donc, je pense qu'il parlait du mouvement des gilets jaunes. D'accord ? Le mouvement des gilets jaunes ne peut pas se réduire, et fort heureusement, à ces actes de violence, qu'évidemment je condamne, ou par exemple à la quenelle qui a été faite hier matin à Montmartre. Voilà. On sait que c'est des actes... Le gilet jaune, c'est très hétéroclite, mais on sait tous, pour tous les gens qui ont participé à ce mouvement, on sait que ça, c'est très, très marginal. Simplement, c'est ça qu'on choisit de mettre en avant, de mettre en boucle depuis hier, plutôt que le fait qu'on annonçait le mouvement terminé et que dans beaucoup d'endroits de France, sur des ronds-points, sur des péages, etc., les gens ont continué à se mobiliser. Parce que ce qu'a annoncé le chef de l'État ne les satisfait pas. N'est pas satisfaisant. On va en parler dans un instant, mais tout de même, revenons sur ces condamnations. Vous dites les condamner, mais on attend d'autres condamnations des leaders de la France insoumise sur ces faits, non ? Vous leur avez demandé, mais bien évidemment. Non, mais vous êtes les premiers à vous exprimer sur les réseaux sociaux, monsieur. Voilà, vous m'avez invité ce soir. Est-ce que, à votre avis, je peux cautionner le fait que des policiers soient pris comme ça à partie à 15 personnes contre 3. Mais par contre, j'aimerais aussi que, dans le même temps, on mette en question le fait que, c'est pas les policiers, ils obéissent à des ordres, qu'hier, par exemple, beaucoup de gens, des jeunes, etc., ont été mis en garde à vue sans rien avoir fait, simplement pour le droit de manifester, et se retrouvent ce soir, en France, des pères de famille, des jeunes, on m'a averti une jeune de 20 ans, qui se retrouve sans rien avoir fait, ce soir, encore en garde à vue. Donc j'aimerais bien que, quelque part, on mette vraiment tous les éléments qui se sont passés hier. Je vais vous dire ce qui se passe. C'est que le gouvernement a décidé, et d'ailleurs M. Macron l'a encore dit, que c'était fini. Il y a la concorde, il y a l'unité, on a donné les mesures, et maintenant ça doit s'arrêter. Eh ben non, ça s'arrête pas, parce que la colère populaire par rapport à une politique qui est injuste, qui est celle des privilèges, qui en plus démocratiquement pose problème, parce que c'est j'avance, quelle que soit après la réaction du peuple, eh bien ça continue à être insupportable. Et donc je peux vous annoncer une chose, c'est que je suis sûr qu'à la rentrée, gilets jaunes ou pas, ça va être aussi les fonctionnaires qui, à mon avis, vont pas accepter qu'on gèle leur point d'indice. Ça va être aussi les salariés. Vous allez voir que le mouvement social va continuer dans ce pays. N'en déplaise à M. Macron et à tous ceux qui gardent l'ordre social. Vous dites que la colère sociale, au-delà de l'essoufflement numérique que l'on peut constater, ça, 40 000 personnes... Le week-end, la colère sociale n'est pas éteinte malgré les annonces, les mesures sociales d'urgence du gouvernement. Enfin, les mesures d'urgence, excusez-moi, les mesures d'urgence. On sait, par exemple, que ce qu'a dit M. Macron, toute personne au SMIC aura une prime de 100 euros est maintenant faux. C'est un mensonge. Il y a la moitié des gens qui auront le SMIC qui ne l'auront pas, qui n'auront pas la prime d'activité. Édouard Philippe l'a annoncé, ça dépendra de la somme gagnée par le conjoint. Donc déjà, ça, c'est un mensonge. Les 5 millions de foyers fiscaux nous avaient annoncé au départ, on avait joué un peu sur l'ambiguïté, on sait que c'est pas le cas. La plupart auront en dessous de 40 euros. Donc vous allez voir ce qui va se passer quand à la rentrée, il y aura ça, plus le prélèvement à la source, plus le fait que on a toujours une politique qui ne change pas de cap. Ce gouvernement assume de ne pas changer de cap. Eh bien, il se prend en retour un mouvement qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et je vous dis, je pense qu'il va s'élargir. Moi, j'ai entendu les syndicalistes dire qu'il faut converger, qu'il faut appeler à la grève. Philippe Martinez a annoncé ça récemment. Et je crois que le quinquennat de M. Macron, il peut dire ce qu'il veut, ne sera plus le même avec ce mouvement des gilets jaunes. Et après, voilà, c'est ça qui me semble le plus important de ce week-end. Absolument. Il nous reste peu de temps, Monsieur Coquerel. J'imagine que vous avez vu les derniers sondages sur les intentions de vote sur les européennes. Le Rassemblement national gagne 4 points, autour de 24%. Oui. La France insoumise se tasse à 11%. La crise politique que nous connaissons ne vous profite pas. Vous parlez du sondage de Doxa, je suppose. Ouais. Non, je pense qu'on est en remontée, en dynamique. Je regarde les cotes de popularité de Jean-Luc Mélenchon, elles montent. Le sondage dont vous parlez, c'est par rapport à il y a 3 mois, avant les perquisitions. Je pense qu'on a eu un fléchissement pour les perquisitions. Oui. Et de ce que j'observe, je pense plutôt qu'on est actuellement à nouveau en dynamique. Les perquisitions, voilà. Donc c'est-à-dire l'image de M. Mélenchon. C'était recherché, vu qu'on a, je vous rappelle qu'on a mobilisé plus de policiers pour les perquisitions qu'on a mobilisé de policiers pour arrêter le tueur de Strasbourg. Donc vous voyez bien qu'il y a eu, une volonté provocatrice de rechercher des réactions. Nous les avons eues parce qu'on ne s'est pas laissé faire. Ça a eu un impact dans l'opinion publique, on le sait. Et je pense au contraire que, vu ce qui se passe maintenant, ça m'étonnerait fort que le sondage récent nous mette en baisse. Je pense plutôt qu'on est en dynamique. Le Front National, on le sait qu'ils sont

une partie considérable de la population n'est concernée par aucune des mesures annoncées par le président de la République. Et sans doute parmi ceux qui en auraient eu le plus besoin. D'abord, les chômeurs. Et parmi eux, les 50% qui ne sont pas indemnisés. Les salariés à temps partiel. Et parmi eux, le 80% qui sont des femmes, qui de surcroît sont moins payées que les hommes à travail égal. Les retraités, dont la désindexation des retraites est maintenue, et qui, pour ceux d'entre eux qui sont au-delà d'un certain seuil, qui fait deux aux yeux du président des riches, ils restent assujettis à l'augmentation de la CSG. Les fonctionnaires ne sont pas pris en compte, et la jeunesse scolarisée non plus. Deuxième point, au-delà des paroles sentimentales qu'il a exprimé, nous voyons une réalité bien crue. Toutes les mesures qu'il a annoncées seront payées par les contribuables et les assurés sociaux. Aucune par les grandes fortunes ni les profits. L'exonération des heures supplémentaires sera payée soit par la Sécu, soit par l'État. L'augmentation du SMIC, dont il nous est dit qu'il ne coûtera pas un euro de plus aux employeurs, sera donc payée forcément par l'impôt. Troisième point. Dans ce contexte, les actionnaires sont bien protégés. La prime exceptionnelle versée par les entreprises ne sera pas obligatoire. Si bien, en définitive, que lorsqu'elle existe déjà, car il en existe dans nombre d'entreprises, eh bien ce sera un effet d'aubaine, puisqu'elles seront exonérées de charges fiscales. L'impôt sur la fortune n'est pas rétabli, sans qu'on sache pourquoi, alors que le moment de la solidarité est venu. Le crédit d'impôt compétitivité emploi est maintenu et son coût extravagant conforté. Quatrième point. Aucune des revendications pour davantage de démocratie participative ne reçoit de réponse. Des bonnes intentions, si, mais des réponses, non. Cinquième point, et pour un parlementaire, c'est important. Le budget est totalement désorganisé. La discussion que nous avons eue en première lecture n'aura donc servi à peu près à rien. Au total, il s'agit de trouver plus de 10 milliards supplémentaires pour le budget de l'État. Le projet de loi de finances actuel est désarticulé. Le Premier ministre a déjà annoncé que pour compenser ce que je viens d'évoquer, il y aura des économies, dit-il, supplémentaires, c'est-à-dire moins de services publics, le contraire de ce qui est demandé. À nos yeux, plus que jamais, et reposer la question du sens de la politique qui est appliquée dans le pays. Ce que Emmanuel Macron vient de dire ce soir, à propos des bonnes intentions et des sentiments chaleureux qu'il éprouve, dit-il, à l'égard du peuple, ne correspond en rien à la politique générale qu'il a tracée, ni au budget qu'il a proposé. Il faut choisir. Ou bien continuer la politique qui compte sur un effet magique de ruissellement des riches vers ceux qui ont moins, ou bien mettre en place un budget qui part des besoins connus du peuple et qui part de la nécessité de l'investissement écologique. Selon moi, les paroles qui ont été prononcées par le président de la République sont vaines. Mais je ne peux conclure sans dire, comme responsable politique et comme républicain, ma tristesse de voir le président de la République, d'une part, répéter les attaques contre l'État, qu'il soit muet sur l'industrie au moment où celle-ci est mise en cause, et surtout, qu'il ait décidé de remettre sur la table la question de l'immigration dans des termes aussi discutables que ceux qu'il a utilisés en faisant le lien avec la loi de 1905 de laïcité de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi je crois que l'acte 5, qui se jouera samedi prochain, l'acte 5 du début de la révolution citoyenne dans notre pays, sera un moment de grande mobilisation. Mais bien sûr, comme tout un chacun, je m'en remets à la décision qui sera prise par ceux qui sont dans l'action. Merci. C'est mon scénario sur la Chine. Je pense qu'ils sont en train de s'organiser, avec les Russes d'ailleurs, pour faire ça, c'est-à-dire se dédollariser et créer une monnaie qui soit une monnaie basée et Et échangeable en or, hein, ils l'ont fait sur des contrats pétroliers, ils peuvent le faire, ils peuvent l'étendre. Bah alors justement, quand on regarde les choses un peu dans leur ensemble, on s'aperçoit qu'il y a quand même des mouvements bizarres et peut-être des pays qui anticipent un peu ça, cet effondrement dans la confiance de la monnaie, parce que de plus en plus, on a des pays comme l'Allemagne, comme la Turquie, comme la Russie, qui achètent beaucoup d'or, et pire que racheter de l'or, parce que acheter de l'or c'est une chose, mais qui rapatrient leur or chez eux. C'est-à-dire quand on rapatrie l'or, c'est-à-dire qu'on n'a même pas confiance dans le gars. Ouais, il y a beaucoup d'or qui était stocké à New York. Ben les Allemands disent oui, alors notre or à New York c'est bien, mais on aimerait bien l'avoir chez nous quand même parce que. et au final, voilà, est-ce que ces gens-là, ces décisionnaires-là, ils sont pas en train de comprendre que la monnaie, c'est le dernier rempart qui va être attaqué, et qu'au final, ben la Chine, quand elle aura enfin dévoilé ses stocks d'or sur lesquels tout le monde fantasme. Voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de, il n'y a pas des joueurs un peu sur les bords qui sont en train d'essayer de déborder en disant, bah nous, quand la Fed, la BCE aura fait n'importe quoi, la boge avec sa monnaie, bah nous, on déclarera, voilà, on a tant d'or en face, venez chez nous, on a une monnaie qui est crédible. Si, et notamment si, la Chine, à laquelle, voilà. Moi, c'est ce que je pense de la Chine, moi, c'est mon scénario sur la Chine. Je pense que ils sont en train de s'organiser avec les Russes d'ailleurs. Pour faire ça, c'est-à-dire se dédollariser et créer une monnaie qui soit une monnaie basée et échangeable en or. Hein. Ils l'ont fait sur des contrats pétroliers. Ils peuvent le faire, ils peuvent l'étendre. Je pense que c'est cette idée-là et c'est renforcé en plus par toutes les sanctions qu'impose Trump à droite, à gauche, etc. La fameuse extraterritorialité oui, des lois américaines fait que les Russes ont déjà vendu tout leur treasuries, ils ont remplacé ça par de l'or et je pense que ce mouvement-là va s'étendre et que en plus c'est une excellente chose. Donc mais grosse inquiétude sur le dollar. Alors pas tout de suite parce que ça peut pas se faire tout de suite. Si vous laissez des choses qui se. Bah on l'a dit ensemble, hein, le dollar c'est quand même un monstre très voilà. Profond. Donc pas tout de suite, mais il y a un moment où oui ça va être compliqué pour les détenteurs de dollars. Donc il y a quand même des pays qui essayent de déborder par le côté ces politiques un peu folles de l'Europe et des États-Unis quoi. Oui, oui, je pense qu'ils s'en sont aperçus. Je pense qu'ils sont pas, vous savez, ils sont pas idiots. Hein. C'est pas parce que Monsieur Macron ne les aime pas qu'ils sont idiots. Donc oui, je pense qu'ils se sont très bien, rendu compte de ce qui se passait. Alors on a enterré la Chine très vite. Hein, pour tout le monde, Trump va gagner largement contre la Chine. Alors sachez quand même que la Chine peut être assez rancunière hein, depuis la guerre de l'opium. Ça leur est resté un peu en travers de la gorge. Et je pense que s'ils peuvent à un moment ou à un autre reprendre la main, je pense qu'ils le feront. Et ils ont des atouts pour ça. En effet, ils achètent énormément d'or. Alors, ils n'ont pas aujourd'hui. C'est un peu problématique. Hein, c'est que ils n'ont pas la croissance qu'ils annoncent. Hein, c'est-à-dire les 6%. Vous pouvez faire une croix dessus. On en est loin. On est probablement plus proche de 3 que de 6. Voire peut-être même moins et donc le vous avez vu là récemment qu'ils ont annoncé des baisses assez importantes de ventes de voitures etc. Donc on fait pas 6% de croissance avec des trucs en baisse partout il faut pas s'imaginer qu'il y a en effet une croissance encore forte en Chine, c'est faux. Mais il n'empêche que aujourd'hui ils ont des atouts et ils ont des atouts que tout le monde oublie.

La parole est à Madame Caroline Fiat. Monsieur le Premier ministre, les Gilets jaunes vous ont forcé à changer d'attitude. Bravo. Bravo à elles et à eux pour leur mobilisation soutenue par 80% de la population. Depuis plus de 3 semaines, les Françaises et les Français, ces invisibles, ces rien, ces réfractaires, ces fainéants, ont dû porter un gilet jaune pour qu'enfin vous les voyiez et les entendiez. Ils sont montés sur la table des puissants et n'en redescendront pas tant que vous n'entendrez pas raison. C'est un encouragement à poursuivre la mobilisation, car de toute évidence, vous n'avez toujours pas compris. Vos annonces, c'est du bricolage, un enfumage qui reporte à après les élections européennes une hausse de taxes pas encore appliquée. Vous vous moquez du monde. Le peuple ne vous demande pas de reporter, mais de céder. Vous n'avez pas eu besoin de 6 mois de réflexion pour baisser les APL ou supprimer l'ISF. Monsieur le Premier ministre, la colère ne peut pas être portée à 6 mois, parce que la souffrance, c'est maintenant. Et c'est maintenant que l'Assemblée nationale doit débattre et voter le budget. C'est dans ce budget que vous accélérez la même politique injuste, antisociale, anti-écologique, déconnectée des réalités de la majorité des Français au bénéfice des ultra-riches. Bref, tout ce qui a déclenché la légitime colère des Gilets jaunes. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, dans ce budget, rétablir l'ISF? Cela ramènerait 4 milliards dans les caisses. Allez-vous, oui ou non, augmenter le SMIC et les pensions de retraite? Cela permettrait immédiatement de lutter contre la vie chère. Entendez le cri d'un peuple digne et fier qui n'en peut plus que vous le méprisiez. Cédez ou partez. Bravo. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Caroline Fiat. Oui, nous assumons de faire un geste fort qui est une pause dans l'augmentation de la taxe carbone, du rattrapage essence diesel, deux sujets sur lesquels votre mouvement politique s'est toujours battu, mais nous assumons qu'à un moment donné, pour faire retomber la tension, il faille faire un geste fort. Et donc c'est fait en toute clarté. Le Premier ministre l'a présenté ce matin, ainsi que sur le gazole non routier. Et nous mettrons à profit ces 6 mois pour discuter de tous les sujets. Car il y a bien d'autres sujets que l'accompagnement de la transformation écologique. Il y a bien d'autres sujets sur le niveau des impôts et taxes. Et Madame Fiat, je crois que votre mouvement politique a en la matière des choses à dire aux Gilets jaunes, car je me souviens que dans la campagne présidentielle, quand le programme de M. Mélenchon a été analysé, c'était 100 milliards de taxes en plus qui étaient contenus dans ce programme. J'espère que vous l'avez dit à ceux avec qui vous êtes allés manifester. Mais, Madame Fiat, je voudrais dire une chose simple. Nous assumons notre responsabilité, et je crois que dans cette période, chacun doit assumer sa responsabilité. Notre responsabilité, c'est celle de prendre des mesures, de prendre des décisions. Nous le faisons. La responsabilité de tous les démocrates et les républicains, c'est de tout faire pour que maintenant les violences cessent. Madame Fiat, vous n'avez pas eu un mot dans votre question pour condamner ces violences. Vous n'avez pas eu un mot pour soutenir les forces de police et de sécurité, pour les commerçants, pour les habitants qui ont subi ces violences et ces dégradations. Alors oui, maintenant, la responsabilité de toutes et de tous, maintenant qu'un geste fort a été fait, c'est de faire en sorte que le calme revienne, que les manifestations violentes cessent. Merci, monsieur le ministre. Charline Vanhoenacker, vous avez une pensée pour les disparus de 2018. Charles Aznavour, Morane, Claude Lanzmann, Rachid Taha, Maria Pacôme, Carlos Ghosn, le coffre-fort de Benalla, le plan banlieue de Jean-Louis Borloo, les audiences d'Europe 1, et sans doute le plus douloureux, le gouvernement belge. Mais vous savez, c'est mieux comme ça, non? Parce que ces dernières années, on sentait bien que le peuple belge était déstabilisé par la présence d'un gouvernement dans le pays. Au moins maintenant, on va pouvoir appréhender les fêtes de façon beaucoup plus sereine. Vous savez, on dit souvent « la nature a horreur du vide ». La nature n'est pas belge. Alors je vais vous résumer ce qui s'est passé. Comment vous expliquer sans que ce soit trop intelligent, trop subtil, trop technique? Le gouvernement était le résultat d'une alliance entre les nationalistes flamands et les libéraux démocrates qui ont pactisé avec les populistes. C'est un petit peu comme si chez vous, Laurent Wauquiez était au gouvernement et qu'il voulait l'indépendance de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les nationalistes flamands ont quitté l'exécutif parce qu'ils n'étaient pas d'accord que le Premier ministre libéral signe le pacte de Marrakech, qui véhicule beaucoup de fantasmes. On est donc le seul pays au monde où le gouvernement chute à cause d'une fake news. On savait que les fake news pouvaient élire quelqu'un. Mais attention, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Je vous annonce la prochaine, le roi des Belges abdique suite à un article du Gorafi. Notre Premier ministre, Charles Michel, a présenté sa démission au roi pour éviter, je le cite, « de lancer le pays dans une fuite en avant confédérale ». Du coup, il a opté pour une fuite en arrière. Personne ne sait où elle mène, comme toutes les fuites. Mais moi, si on m'avait dit qu'un Premier ministre libéral ne passerait pas l'hiver, j'aurais plutôt parié sur Édouard Philippe. Eh ben non, parce qu'en Belgique, on n'a peut-être pas gagné la Coupe du Monde, mais on détient le record mondial de grises gouvernementales. Alors que vous, hein, elle date de quand votre dernière dissolution de l'Assemblée? Petit joueur. Bref, le roi a mis sa décision en suspens. Pour une fois qu'il a un truc à foutre, celui-là, il la laisse en suspens. De toute façon, le Premier ministre, dans sa tête, il est déjà parti. Mon Dieu, pourvu que ça ne donne pas des idées à Manuel Valls, cette histoire. Déjà avec Charles Quint, on était sous occupation espagnole, alors bon, bref. Voilà toute la différence entre la Belgique et la France. Chez nous, le gouvernement tombe à cause de l'extrême droite, alors que chez vous, c'est grâce à elle qu'il gagne les élections. Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands messes? Ils étaient vieux avant d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse, laisse au visage un teint de cendre. Ou notre monsieur, ou notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Ou notre bon maître, ou notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Et pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre. C'était pour finir à la guerre, aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'honneur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Et ils mouraient à pleine peur. Tout miséreux, ou notre bon maître, couvert de prêtres, ou notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? En ce début de mois de janvier, le président de la République, le gouvernement, la majorité parlementaire La République En Marche comptaient que le mouvement des Gilets jaunes se soit éteint pendant les fêtes de fin d'année. C'est le contraire qui s'est produit. Dès lors, une situation nouvelle existe dans notre pays. Et il faut y répondre par des propositions nouvelles et bien comprendre qu'il n'y a pas d'ordre public juste, il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale dans le pays. C'est le contraire qu'a choisi le gouvernement. Il voudrait incarner le parti de l'ordre. Pour cela, il lance une campagne d'affolement, d'exagération, de mise en scène d'images qui donneraient l'impression que le pays est en guerre civile. Mais ce n'est pas le cas. Il me semble au contraire que, au niveau de tension où nous sommes, tous ceux qui ont de l'autorité doivent travailler à faire en sorte que celle-ci n'aille pas plus loin. Je suis stupéfait de voir comment les responsables politiques de la majorité gouvernementale et leur opposition de confort, au contraire, jettent de l'huile sur le feu. Le président de la République qui parle de foule haineuse à propos des manifestants. Le Premier ministre qui annonce qu'il va dorénavant traiter tout le monde comme les supporters de football indélicats. Tous ces gens qui interviennent à longueur d'antenne pour exiger de nous que nous condamnions des violences que eux-mêmes encouragent et face auxquelles eux-mêmes ont une indifférence absolument incroyable à l'égard des victimes qu'elles occasionnent. J'ai proposé par exemple une minute de silence à l'Assemblée nationale à la mémoire des morts et des blessés de cette mobilisation sociale. Je crois que c'est le plus grand nombre qu'on ait jamais vu dans notre histoire depuis plus de 50 ans. Eh bien, au lieu de chercher l'apaisement, c'est l'inverse. Le gouvernement, La République En Marche, veut passer en force et traiter dorénavant tous ceux qui ne sont pas de leur avis comme des délinquants, et en nous demandant à nous, responsables politiques, de nous aligner et d'aboyer en cadence avec eux. Je condamne leur utilisation politicienne de la peur et des troubles pour se présenter comme le parti de l'ordre. Je m'inquiète des exagérations auxquelles les uns et les autres dans cette majorité se livrent. Écoutez ce que disait hier sur une radio, Radio Classique, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Ferry. Écoutez et vous verrez à quels excès ces gens sont capables d'aller. Écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit, voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartier, il y a peu, voilà. Là. Quartier, il y a très peu. Il y a eu beaucoup, c'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Il y a eu, après les manifestations, il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir au début. Oui, vous avez raison, mais il y a eu. Plus maintenant. Voilà. En tout cas, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable et je pense qu'on a je crois, la quatrième armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. Avez-vous entendu quelqu'un de la majorité parlementaire au gouvernement ou à La République En Marche condamner de tels propos? Ils m'inquiètent au plus haut point. C'est pourquoi je m'adresse à vous en vous demandant d'exercer la plus grande vigilance possible dans les prochaines mobilisations nécessaires et légitimes que les Gilets jaunes ont décidé de mener. Faites en sorte qu'on ne puisse tirer parti d'une escalade, d'une surenchère. Ne laissez pas ces violents qui sont au gouvernement manipuler l'opinion et surtout vous-même, en vous poussant à aller là où je sais que vous ne voulez pas aller dans la violence. J'ai toujours été hostile aux stratégies de violence dans les mobilisations sociales. Je l'ai écrit, dit, répété sur tous les tons. Si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que ce que je vois m'inquiète. Ce que je vois, c'est la détermination d'un pouvoir irresponsable à aller au bout, de plus en plus loin, dans une conflictualité avec le peuple français. Personne n'aime la violence. Personne n'aime la violence. Sauf ceux qui comptent en tirer parti. C'est pourquoi je renouvelle ma proposition que dans les prochaines mobilisations, on ait des casques blancs, c'est-à-dire des personnes respectées, tranquilles, qui soient là et dont la présence, en quelque sorte, fasse baisser les tensions. Je crois que personne n'a intérêt à ce que ce plan du soi-disant parti de l'ordre puisse aboutir. Nous n'avons aucun intérêt à faire croire que la violence serait du côté du peuple. Je demande aussi à ceux qui m'écoutent de bien réfléchir. L'usage qui est fait des forces de police ne dépend pas des policiers eux-mêmes. Ils obéissent à des ordres et à des consignes qui leur sont données. Il peut arriver, comme ça arrive dans nos rangs, qu'ici ou là, quelqu'un perde son sang-froid. Évidemment, la situation n'est pas la même quand celui qui perd son sang-froid est armé d'un flashball ou quand il n'a que ses poings nus. Mais ayons le sens des responsabilités et la capacité de ne pas confondre tout. Il faut impérativement que cesse cet usage qui est fait de la police dans des conditions aussi violentes. Les tirs de flashball, les blessés, les éborgnés, les mains arrachées, tout ça c'est trop. Il faut maintenant donc que nous réunissions nous-mêmes, ceux qui sont dans cette action de mobilisation sociale, les moyens de faire baisser la température. Non pas en faisant baisser la mobilisation, certainement pas, au contraire. C'est en l'élargissant, en étant toujours plus nombreux, en y venant de plus en plus largement en famille, que l'on réussira à la fois à augmenter la pression sur ce pouvoir irresponsable et à faire baisser la tension. Voilà ce que je crois nécessaire de dire à ce moment, parce que les propos de M. Ferry m'ont fait peur. Les injonctions de toutes sortes que j'entends, contre les uns, contre les autres, où nous sommes sommés d'aller dire ceci ou dire cela pour complaire à nos maîtres les puissants, tout cela crée une ambiance détestable. Le pays est en impasse politique. Et la parole de ceux qui ont l'autorité, plus elle est utilisée en vain et pour rien, comme ça a été le cas à la fois pour les vœux du président de la République et pour les propos du premier ministre, plus l'autorité se dilue et perd son sens. Dans une république, l'ordre fonctionne avec la justice sociale. Dans une république, l'ordre fonctionne parce qu'il y a un consentement à l'ordre. Telle est la caractéristique de l'ordre en démocratie. Personne n'a rien à gagner à un déploiement permanent de forces hebdomadaires comme celui que l'on voit, et même maintenant à en être à invoquer l'intervention de l'armée. Où va-t-on ? C'est pourquoi, je le répète, c'est en comptant sur la capacité de mobilisation la plus large qu'on obtiendra les résultats les plus tranquilles. Je conclus. Le pire, selon moi, serait qu'on finisse par penser que c'est par la répression qu'aura été réglé le nombre des problèmes que le peuple a soulevés, et toutes les questions sociales qu'il a mises sur la table, et toutes les questions sur le fonctionnement démocratique du pays. Il est essentiel pour la France que le dernier mot revienne au peuple. Et pour cela, nous devons en réunir les conditions. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui m'entendent à se tenir à la disposition des Gilets jaunes et à les aider, en respectant évidemment l'indépendance et l'autonomie de leur choix de décision. Nous devons être là pour aider, participer, nous impliquer, parce que, au fond, nous sommes tous des citoyens, je le rappelle. Et d'une certaine façon, il y a en France autant de gilets jaunes que de sujets de mécontentement.